Elle chez Marcel, boulevard Raspail. Il est assis sur le trottoir. Il a donné sa vieille médaille pour un peu de soupe et du pain noir. Dans sa main droite, une enveloppe avec trois lignes et un peu de fric. Dernier message de Pénélope qui vient de partir aux Amériques. Aux et du pain noir.